Tu trouves pas qu'il fait sombre dans le salon? C'est toi qui voulais du marron? Bah oui, mais du blanc, ça irait mieux, non? Donc t'es en train de me dire que je vais devoir tout repeindre? Bah oui, pourquoi pas? Depuis 30 ans, Brico Dépôt vous propose des prix bas. Comme la peinture blanc mat intérieure 15 litres Evalux à 29,90€. Oui, 29,90€ le pot de peinture Evalux, soit 1,99€ le litre. Et ça, ça donne envie d'en faire plus. Brico Dépôt. Voyez plus grand avec nos prix dépôt. Depuis ce matin 7h en quantité limitée. Également disponible en drive sur bricodépôt.fr. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Patrimoine africain, itinéraire d'œuvres confisquées. Peut-on parler d'un art traditionnel africain? L'expression est complexe. L'Afrique est un vaste continent avec de nombreuses ethnies, peuples, cultures qui ont produit des œuvres diverses et à la signification variée. D'ailleurs, l'histoire de l'Afrique n'est pas une, elle s'écrit bien avant la colonisation et se décline selon des trajectoires différentes. C'est cette histoire qui explique que, par des chemins divers, des centaines de milliers d'œuvres soient sorties d'Afrique. Dès lors, se pose la question de la restitution. C'est rétablir une chose dans son état premier, au-delà des altérations qu'il n'est ni possible ni nécessaire d'effacer, car elles aussi font partie de cette histoire. Je ne peux pas accepter qu'une large part du patrimoine culturel de plusieurs pays africains soit en France. Il y a des explications historiques à cela, mais il n'y a pas de justification valable, durable et inconditionnelle. Le patrimoine africain ne peut pas être uniquement dans des collections privées et des musées européens. Le patrimoine africain doit être mis en valeur à Paris, mais aussi à Dakar, à Lagos, à Cotonou. Ce sera une de mes priorités. Je veux que d'ici 5 ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique. Le président Emmanuel Macron qui s'engage à restituer le patrimoine africain à l'Afrique. Bonjour Philippe Dagen. Bonjour. C'est un discours. C'est un discours. Après, il y a les faits. Où en sommes-nous? Je pense qu'il y avait d'abord les faits du discours, plus que les faits eux-mêmes, sans faire de mauvais jeu de mots. Où nous en sommes, autant que je sache, pour l'instant, en dehors des objets royaux d'Abomey, les musées français n'ont, pour ainsi dire, rien restitué d'important aux musées africains. Et puis, en écho à ce discours, bonjour Bénédicte Savoie. Bonjour. L'histoire de la restitution n'est pas une volonté qui vient des pays occidentaux, de l'Europe et de la France particulièrement. Faut bien rappeler combien cette histoire-là vient d'Afrique. C'est une vraie demande ancienne. C'est une demande qui date du lendemain des indépendances, en effet. Et à mon avis, les choses ont beaucoup bougé depuis 2017. Vous le voyez comment, vous, Bénédicte Savoie, l'évolution? Je la vois comme pratiquement la chute du mur de Berlin, si vous voulez. C'était une expression qui est utilisée quand nous avons échangé avec lui, Fellou Insar et moi, le ministre de la Culture du Bénin de l'époque, en avril 2018. Oswaldo Mekki nous disait « Bon, vos restitutions, j'y crois pas du tout, mais si un jour ça a lieu, ce sera vraiment comme la chute du mur de Berlin ou comme la réunification des deux Corées. » Et maintenant, il y a des grandes, grandes brèches dans ce mur. La France a restitué en effet les trésors royaux d'Abomey, c'est 2,5 tonnes de biens culturels. L'Allemagne a enchaîné, la Belgique enchaîne, est en train d'enchaîner, les Pays-Bas aussi. Donc les choses ont extrêmement changé. Et même si la France maintenant a pris un peu de retard sur son avancée initiale, les choses vont continuer, je pense. Oui, c'est cette idée de brèche, c'est-à-dire que l'idée de la restitution est désormais comme une évidence. Enfin, on l'entend bien dans le discours d'un chef de l'État. Après, il y a tout ce monde de la conservation. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on arrive à clarifier quelque chose, parce que les musées sont là pour conserver les biens qui sont inaliénables. Ça veut dire que c'était la nécessité d'une loi. C'est cette loi qu'avait voulu Emmanuel Macron, Philippe Dagen? Je ne sais pas ce qu'Emmanuel Macron avait voulu. Il y avait en effet une loi sur l'inaliabilité des biens du patrimoine national. On peut pas les vendre. On ne peut pas les donner. On ne peut pas les vendre, on ne peut pas les donner, on ne peut pas les céder. Et tant que cette loi n'est pas remise en cause, effectivement, la situation est bloquée. Donc il fallait en effet en passer par le législateur pour que la brèche en question puisse être ouverte. Mais la brèche est ouverte avec toute une réflexion pour bien inscrire cette histoire de la restitution dans un phénomène beaucoup plus large. une réflexion sur l'origine de tous ces biens. Philippe Dagen, à partir de quel moment commence-t-on à voir des œuvres venues d'Afrique apparaître en Europe? Faut remonter loin. Oui, enfin, de manière microscopique, il y a des objets qui sont arrivés dès la période de la Renaissance. Certains d'ailleurs qui avaient été produits par des spécialistes de l'ivoire sur des commandes qui leur avaient été passées, en particulier par les Portugais. Enfin, ça reste très très très minoritaire. Vous direz que les grands arrivages, si on peut employer ce mot assez répugnant, c'est à partir du moment tout bêtement, hein, où la colonisation s'organise, c'est-à-dire à partir du dernier tiers du 19e siècle, et le processus a continué, n'a pas été, autant qu'on aurait pu s'y attendre, vraiment ralenti par les indépendances, mais c'est un processus qui est très complexe, avec des acteurs extrêmement variés et malheureusement, une très grande difficulté à le documenter, faute la plupart du temps d'éléments historiques ou archivistiques, puisque les opérations, parce qu'on peut pas appeler ça des transactions, les opérations de captation n'ont généralement pas été documentées et n'ont laissé ni facture, ni correspondance. Oui, d'où l'importance des archives pour essayer de documenter les choses, mais là, elles manquent peut-être avec une volonté aussi d'effacer. Le colonisateur n'avait pas intérêt à laisser de traces de ces pillages. Je ne sais même pas si c'était à ce point de conscience. Je pense que le colonisateur s'est servi, tout simplement, sur des populations qu'il ne respectait pas, qu'il ne considérait pas, qu'il asservissait systématiquement et auxquelles il n'avait aucun, dans cette optique-là, aucun compte à rendre. Donc je ne suis même pas sûr que l'on ait pas voulu qu'il y ait des archives, mais que, au fond, ce n'était pas nécessaire qu'il y en ait. Donc, le travail des historiens comme Bénédicte Savoie ou moi-même, c'est dans la mesure du possible de reconstituer des événements sur lesquels on dispose d'informations parcellaires. En fait, très peu de grands événements sont bien documentés et sur la majorité d'entre eux, finalement, si vous vous promenez, comme c'était le cas la semaine dernière dans le salon Parcours des Mondes à Saint-Germain-des-Prés, qui exposait dans la galerie internationale et française des œuvres provenant d'Afrique ou d'Océanie, la quasi-totalité, on ne sait rigoureusement rien de leur histoire. On sait qu'elles sont là, on sait plus ou moins d'où elles viennent, on ne sait pas nécessairement quand elles ont été créées, mais ça peut-être qu'on pourra en reparler. Quant à leur trajectoire elle-même, elle est totalement inconnue. Bénédicte Savoie, sur ce moment colonisation, pour évoquer la massification du pillage, on passe du cabinet de curiosité hein, de la Renaissance où il y a quelques œuvres qui arrivent à un phénomène beaucoup plus massif au XIXe siècle. Ben oui, Philippe Dagen l'a vraiment très très bien décrit en utilisant ce terme d'arrivage qu'il désignait comme répugnant. Si on regarde les statistiques, la conjoncture, on voit bien que presque rien n'arrive jusqu'aux années 1880, comme l'a dit Philippe Dagen, et que presque tout arrive entre 1880 et, pour ce qui concerne la France, disons, en réalité les années 30 puis 60. Et si on regarde d'autres pays coloniaux, comme l'Allemagne par exemple, ou la Grande-Bretagne, pendant leur période coloniale respective. Et pour donner des chiffres, pour être plus concret, les deux tiers des pièces d'Afrique au sud du Sahara conservées aujourd'hui au musée du Quai Branly sont arrivées pendant la période coloniale française. Si vous regardez en Allemagne, qui a eu comme colonie par exemple le Cameroun, vous trouvez 40 000 pièces du patrimoine ancien camerounais dans les collections allemandes. 40 000, c'est presque autant que toute la collection du musée du Quai Branly d'Afrique au sud du Sahara, qui comporte 69 000 pièces. Si ensuite vous ajoutez tout ça, tout ce qui est dans les collections publiques européennes d'Afrique au sud du Sahara, ce qu'elles déclarent, ce qu'elles ont dans leurs inventaires publics, ce qu'elles montrent sur Internet, on arrive à 500 000 pièces du patrimoine africain au sud du Sahara dans les collections européennes. Et je ferais volontiers une distinction à partir de ce que disait Philippe Dagen, qui était très juste, à propos de l'histoire de ces objets et de la documentation de leur venue chez nous. En effet, ce qu'on voit à Saint-Germain-des-Prés dans les galeries, Et probablement, et Philippe Dagen est très bien placé pour le savoir, ou en tout cas en première ligne, peu documenté, mal documenté, on ne sait rien. En revanche, les pièces qui sont arrivées dans certains contextes coloniaux, en particulier les pillages, mais aussi les collectes, comme on les appelle, scientifiques, ont été très bien documentées. Les ethnologues des années 20-30 en France font des listes, documentent très bien ce qu'elles prennent, et il y a un enjeu réel de cette documentation. C'est presque même la légitimation. C'est, nous, on collecte bien, en quelque sorte, et on documente. D'une part, et d'autre part, les militaires, que j'observe, pour ma part, beaucoup dans les archives allemandes, donc ce que les Allemands appelait par exemple au Cameroun ou au Togo la Schutztruppe, les troupes de protection, qui étaient en fait une armée d'agression. Cette Schutztruppe écrit des rapports à chaque pillage, à chaque village en feu, à chaque viol collectif, et ce sont dans les mêmes lettres ou dans ces mêmes rapports que vous trouvez un récit du viol collectif, du palais du roi d'une région des Grassfields par exemple au Cameroun, mis à feu, mais dont les éléments d'architecture centraux ont été envoyés dans les musées allemands, et d'autres cruautés. Donc tout ça est très bien documenté. Je dirais pas que ça a été mal documenté ou que les colonisateurs n'avaient pas intérêt à le documenter. En revanche, pendant très longtemps, les historiennes et les historiens se sont peu intéressés, et c'est normal, hein, quel historien de l'art va plonger les bras jusqu'aux épaules dans des archives militaires, c'est peu naturel. Mais quand on le fait, on trouve ces informations assez facilement. Elles sont à la surface. Avec des situations extrêmement diverses, hein. On le voit bien entre des pillages très documentés, et puis on l'a entendu, des œuvres dont on ignore l'origine. Ce qui est vraiment documenté, c'est le pire. C'est-à-dire, on connaît assez bien l'histoire du pillage de Benin City par les troupes britanniques, on connaît très bien celui d'Abomé par les troupes françaises, on connaît en effet un certain nombre d'exactions, soit commises par les troupes allemandes au Cameroun, où l'Allemagne s'est d'ailleurs maintenue finalement assez peu de temps, ce qui rend la collecte encore plus extravagante, et par les troupes belges dans le Congo dit belge à la même époque. Et donc, il ne faudrait pas que l'attention se polarise exclusivement sur ces événements, parce que ce sont ceux que la presse du temps et en effet un certain nombre de rapports militaires permettent d'approcher. Malheureusement, et j'ai envie de dire, c'est dans le flot général du départ des objets, une proportion relativement, enfin, pas réduite, enfin, ce n'est pas la majorité des cas. Et ce que je pointe, c'est l'activité souterraine, discrète, de toutes sortes d'administrateurs, d'ingénieurs, de missionnaires, de marchands, se sont servis. Alors, ils se sont servis dans quelles conditions ? Dans un échange évidemment asymétrique, puisqu'ils étaient les coloniaux et que les autres leur étaient soumis. Donc, y a-t-il eu transactions financières ? Dans la plupart des cas, vous me permettrez d'en douter considérablement. Et alors, en effet, il y a eu aussi les collectes ethnographiques, bon, qui sont relativement bien archivées. Mais enfin, il se trouve quand même que le cas le plus connu de ces collectes ethnographiques, le récit que l'on connaît le mieux, est celui qui a été écrit par Michel Léris dans L'Afrique fantôme à propos d'un certain passage en pays Bambara, où Léris et un autre des membres de la mission Griol saisit, vole, littéralement, un masque, en menaçant le gardien d'un couteau. Donc, oui, ce sont des collectes ethnographiques, d'un certain genre. Les méthodes de collecte des objets sont 9 fois sur 10 des méthodes d'achat forcé, pour ne pas dire de réquisition. Tout cela jette une certaine ombre sur ma vie, et je n'ai la conscience qu'à demi tranquille. Autant des aventures comme celle des enlèvements du Kono, tout compte fait, me laissent sans remords, puisqu'il n'y a pas d'autre moyen d'avoir de tels objets, et que le sacrilège lui-même est un élément assez grandiose. Autant les achats courants me laissent perplexe, car j'ai bien l'impression qu'on tourne dans un cercle vicieux. On pille des nègres, sous prétexte d'apprendre aux gens à les connaître et à les aimer, c'est-à-dire en fin de compte à former d'autres ethnographes qui iront eux aussi les aimer et les piller. Michel Léris, 1931. Bénédicte Savoie, quand Michel Léris écrit à sa femme en 1931, il est très clair de constater un pillage, une action forcée pour s'emparer d'un bien. Comment se passaient ces collectes ? Je pense que la chose la plus importante à dire et à répéter, c'est qu'elles se passent toutes ou souvent de manière très différente les unes des autres. Et c'est difficile de généraliser. Ça ne veut pas dire que c'est trop complexe pour y travailler. Souvent, on entend dire « Ah, les provenances, c'est si complexe qu'on n'y arrivera jamais ». Non, non, c'est pas ça, mais c'est pas un modèle. Donc, comment se passent les collectes là? Comme on vient de l'entendre et comme le précisait Philippe Dagen, certaines se sont faites dans des conditions de violence symbolique ou réelle, avec des échanges d'argent qui n'étaient pas à la hauteur des prix du marché, par exemple, et Michel Léris le décrit très bien. Vous avez d'autres collectes que j'évoquais tout à l'heure dans d'autres contextes. Il faut aussi rappeler que les contextes nationaux sont différents les uns des autres. Si on parle de l'Europe, là, dans notre émission, si on parle pas seulement de la France, on aura des contextes très différents. Mais le contexte militaire en est un aussi. Un contexte militaire télécommandé, pour ainsi dire, par les musées, les grands musées des capitales européennes, qui demandent aux officiers, aux soldats, aux généraux, de manière très explicite, de leur rapporter un certain type d'objets, pratiquement qui leur font, au bout d'un moment, peut-être pas tout au début de la période coloniale, mais au bout de quelques années, qui leur font pratiquement des listes. Et on imagine bien que des militaires, spontanément, ne se seraient pas chargés d'objets qui ou de pièces qui peuvent peser jusqu'à plusieurs centaines de kilos, comme des tambours. Donc ils les ramènent pour les musées, parce que les musées le leur demandent, et en échange, ils obtiennent des distinctions, des décorations. Vous avez tout ce qu'a décrit Philippe Dagen, qui passe sous le radar, c'est-à-dire les achats, disons, sur les marchés, destinés peut-être parfois aux touristes européens, etc., etc. Donc on peut pas résumer à une forme de prise, mais on peut en effet généraliser en disant que, en tout cas pendant la période coloniale, le rapport de force étant ce qu'il était, on peut douter légitimement du consentement des personnes dépossédées ou des communautés dépossédées ou des pays dépossédés. Un équilibre évident. Philippe Dagen, vous êtes professeur d'histoire de l'art à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes l'auteur du Primitivisme, ce sont deux volumes. Cette réflexion sur ces œuvres avec une grande diversité, c'est sûr que certaines œuvres imposantes sont commandées par des musées parce qu'il en faut une dans le musée, puis d'autres beaucoup plus courantes et beaucoup plus faciles à écouler sur le marché sont prisées. Il y a un phénomène aussi, et presque une volonté occidentale, de gommer l'origine artistique. Il n'y a pas de nom d'artiste, on donne une ethnie, on patine les œuvres, c'est-à-dire qu'on répond à une demande d'un public européen. Oui, on les patine, on les défigure quelquefois, on leur enlève certains éléments qui sont considérés comme malencontreux ou inutiles. Et vous avez même un texte assez extravagant d'André Salmon, qui était par ailleurs un ami d'Apollinaire et un poète, un critique d'art, qui dit « Non, mais vous pouvez enlever à vos fétiches, puisque c'est le terme de l'époque, toutes sortes, tous les éléments, mettons, je ne sais pas moi, les éléments textiles, les fibres végétales, etc., pour ne garder que la sculpture en bois. » C'est-à-dire qu'on va véritablement vers une sorte de pseudo-purisme de la statuaire qui ferait coller l'art africain sur le modèle de la statuaire, mettons, antique ou européenne. Alors, pour revenir à ce que disait Bénédicte Savoie sur les commandes, ça c'est les commandes passées aux militaires. Le cas le plus flagrant que je connaisse ne concerne pas l'Afrique, mais concerne l'Allemagne. C'est le cas des colonies allemandes dans en Océanie. Et là, à ce moment-là, dans ce qui s'appelle à cette époque-là le nouveau Mecklenburg, et qui s'est retrouvé rebaptisé par la suite de la Nouvelle-Irlande, parce que c'est passé après la Seconde Guerre, après la guerre mondiale de l'Empire allemand aux colonies britanniques, les musées et même des espèces de syndicats de marchands à Brême, à Hambourg, etc. se forment et ils envoient véritablement des missions avec, y compris, si je me souviens bien, un bateau qui est spécialement conçu pour pouvoir transporter les objets les plus monumentaux, équipés d'une grue. On en arrive à un tel point que le gouverneur allemand de l'île finit par écrire en disant « Arrêtez de nous demander des objets, il n'y en a plus. C'est fini. On a vidé le nouveau Mecklenburg de tout ce qu'il était possible de transporter en Allemagne. Donc là, il y a un côté razzia systématique que, à ma connaissance, les coloniaux français n'ont pas accompli de la même manière. Mais on a pris, je ne savais pas que vous alliez diffuser cet exemple de l'Héris. Au demeurant, j'aurais dû m'en douter. Mais pour prendre un autre auteur, pour lequel j'ai certes beaucoup moins de sympathie que pour Michel L'Héris, Paul Morand. Paul Morand fait un voyage dans l'Afrique coloniale française au milieu des années 20. Et il raconte, mais c'est publié, c'est vraiment très facile à lire, hein, c'est dans toutes les bibliothèques. Il raconte comment il assiste, évidemment, en compagnie d'un administrateur à une danse masquée. Il trouve que l'un des masques est particulièrement intéressant. Donc, à la fin de la danse, on fait venir celui qui le porte. Et Morand écrit, mais voilà, de la manière la plus tranquille, comme le collecteur des impôts devait passer prochainement, j'ai pu l'acquérir à très bon compte. Voilà. Bon, c'est pas une vente forcée, mais c'est juste le quotidien de gens qui, étant en position d'autorité, de menace, probablement Morand a-t-il versé, je sais pas, enfin, une somme dérisoire, parce qu'il était en mesure de le faire. Très important hein, de souligner la diversité des chemins pris par ces œuvres pour arriver en Europe. Bénédicte Savoie, mais d'ailleurs, une fois qu'elles arrivent en Europe, comment sont-elles traitées? Sont-elles exposées dans un musée directement ou sont-elles entassées dans des réserves? Elles arrivent en si grand nombre qu'elles ne sont pas toutes exposées. Elles ne le sont ni au moment où elles arrivent, ni aujourd'hui. Si on reprend les statistiques du musée du Quai Branly à Paris, par exemple, 1000 pièces sont actuellement exposées environ sur le plateau des collections africaines, comme on l'appelle. Donc, ce qu'on peut voir de l'Afrique au sud du Sahara quand on y va, quand on est un visiteur normal, disons. Et tout le reste, 68 000 autres pièces, sont dans les réserves. Vous avez exactement les mêmes configurations dans toutes les capitales européenne. Donc, au moment où ça arrive, c'est trié, traité. Dans certains musées, c'est traité avec des insecticides. Ça a été particulièrement le cas en Allemagne. Je parle beaucoup de l'Allemagne puisque je rejoins aujourd'hui de Berlin et que je pratique la plupart de mes recherches sur les collections allemandes actuellement. Les collections allemandes ont été traitées dans les années 20 de manière systématique avec des produits donc toxiques qui étaient à l'époque d'ailleurs produits par IG Farben, donc c'est ces grands concerns chimiques. D'accord, en tout cas, ça fait que les objets aujourd'hui, et c'est pas très différent dans d'autres collections européennes, sont toxiques. Et ils ont été imprégnés de substances qui les rend aujourd'hui toxiques. Donc, ce qui se passe au moment de leur arrivée, ce traitement-là, d'abord, en allemand, on appelle ça le Entwesen, ça veut dire enlever les parasites, si on veut, mais ça veut dire aussi, le même mot, Wesen, veut dire leur enlever leur âme. Et c'est très intéressant de voir, d'entendre dans ce mot-là une pratique physique et une pratique symbolique qui est de les neutraliser, de les faire devenir des objets de musée, comme le décrivait aussi tout à l'heure Philippe Dagen. Donc, ils sont traités en profondeur, on peut dire. Puis, ils sont, dans les cas où les musées sont bien équipés en personnel, inventoriés. C'est pour ça qu'on est très bien documenté, en réalité, de ce qui est arrivé dans les collections publiques, en tout cas. Et puis, certains sont exposés. Et ensuite, en fonction de l'histoire du XXe siècle, soit ils changent de musée plusieurs fois, comme ceux qui étaient au musée de l'Homme à Paris, qui vont déménager ou qui vont être recomposés avec ceux du musée des colonies pour devenir le musée du Quai Branly. Dans d'autres cas, comme à Berlin, ils vont être évacués pendant la Deuxième Guerre mondiale, passer 20 ans de leur vie d'objet, à Moscou, avant d'être restitués à la RDA dans les années 70, et puis de revenir dans les années juste après la chute du mur, etc. Donc, même leur histoire du XXe siècle, disons, même leur histoire, disons, européenne, est une histoire souvent de dislocation, de relocation, de violence et surtout d'invisibilité. On constate que non seulement les pays, les communautés, les régions africaines qui les ont perdus n'y ont plus accès depuis longtemps, mais que nous non plus, d'une certaine manière en Europe, n'y avons pas accès. Ils sont doublement ou même parfois triplement perdus. Philippe Dagen, à tout ce que vient de nous dire Bénédicte Savoie, s'ajoute la question d'où les mettre, c'est-à-dire art ou ethnographie ou objet de curiosité, parce que c'est toute cette longue réflexion, mais de quoi s'agit-il exactement ? Oui, alors c'est encore une autre question qui est extrêmement complexe. Et il y a, si j'ose dire, un paradoxe que je pense que je ne m'expliquerai jamais ou que je ne comprendrai jamais. C'est que ces objets sont saisis, donc gardons ce terme, par des gens qui, la plupart du temps, ne leur trouvent, quand on se reporte à leurs écrits, aucune qualité. Il existe toute une littérature coloniale dans le journal des voyages ou d'autres revues du même ordre en France dans les années 1880-1890, des textes écrits par des officiers le plus souvent, et chaque fois qu'ils abordent, ce qui est très rare, la question des objets, c'est pour dire que ce sont des objets grossiers, mal taillés, obscènes, caricaturaux, c'est-à-dire qu'on leur refuse absolument toute qualité artistique, et à plus forte raison, si j'ose dire, ne fait-on aucun effort pour se demander simplement pourquoi ils ont été exécutés, et au fond, pourquoi ont-ils été exécutés ainsi, et donc les fonctions politiques, morales, sociales, religieuses, qui peuvent être celles de ces sculptures. C'est-à-dire qu'on les prend et on les méprise. Et cela dure jusqu'à la Première Guerre mondiale. Quand on voit comment dans les expositions universelles, un certain nombre de ces objets, en particulier en 1900, sont présentés, c'est un déballage. C'est-à-dire qu'on mêle, il y a une espèce de pêle-mêle d'objets de provenance complètement hétéroclite, de fonctions complètement disparates, qu'on met au mur comme des objets de curiosité, comme une sorte de pittoresque exotique. Vous me direz, c'est dans les mêmes expositions universelles qu'on crée des villages africains ou des villages kanaks pour lesquels on enlève des populations pour les implanter sur le champ de Mars ou en 1931 au bois de Vincennes pour donner une, entre guillemets, évidemment, couleur locale plus convaincante aux expositions. Donc, il y a à la fois le vol et le mépris. Et en effet, comme Bénédicte Savoy le dit, on ne les montre pas. Mais on ne les montre pas parce que, au fond, on ne sait pas quoi en faire. Et ceux qui leur reconnaissent ou qui commencent à leur reconnaître des qualités plastiques, c'est-à-dire, on va évidemment penser à Matisse, Derain, Picasso, Braque en France, Nold, Kirchner, Schmidt-Rottluff et d'autres en Allemagne, eux-mêmes en savent extrêmement peu, voire même quasiment rien sur ces objets. Et donc, ce qu'ils observent, c'est des effets plastiques, en particulier dans le cas de Picasso, l'idée du contre-relief. Enfin, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais ils ne peuvent pas aller plus loin. La connaissance ethnographique, dont je ne suis pas sûr qu'elle soit bien complète dans beaucoup de cas, ne s'est développée qu'ultérieurement. Et donc, on est passé d'objets qui n'avaient aucune qualité artistique et qui étaient méprisables à, par la grâce, entre guillemets, du cubisme et de ce qu'on appelle l'expressionnisme allemand, à des objets dignes d'être regardés, mais que l'on n'était toujours pas capable de comprendre. Sommes-nous aujourd'hui capables de les comprendre? Oui, grâce au travail des historiens, des historiennes qui œuvrent pour donner l'histoire de ces objets à l'intérieur d'une autre histoire beaucoup plus vaste et complexe qui est celle de la dépossession, du pillage. Philippe Dagen, Bénédicte Savoy, vous nous avez expliqué comment ces centaines de milliers d'œuvres sont arrivées en Europe. Désormais, il nous reste à essayer de réfléchir à quel moment apparaît l'idée de la restitution. France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. D'une alarme, et le vautour a repris son vol. stressé. Oui, depuis ce jour, les hommes se sont battus. Toujours à la même heure, plus de 100 vautours ont plané dans la nuit. Et sur les arbres autour du village, ils se sont perchés, attendant le matin. Ils ont surpris toute la cité et ravagé tout sur leur passage. Ils ont su tromper la vigilance des braves gars qui veillaient sur le village. Le ciel d'Afrique était si serein, le sol d'Afrique connaissait la paix. Depuis ce jour, les armes sont dressées. Oui, depuis ce jour, les hommes se sont battus. Les vautours, chanté par Abdoulaye Cissé, auteur, compositeur, guitariste du Burkina Faso. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau avec à la technique Marie-Claire Oumabadi. Aujourd'hui, art africain itinéraire d'un patrimoine confisqué. Alors, où se trouvent toutes ces œuvres? Bon, bah, les musées, nous l'avons entendu, des collections privées. Les missionnaires, peut-être aussi. Philippe Dagen, les missionnaires en Afrique. Oui. Alors, par intérêt, peut-être aussi pour comprendre des cultures. Mais ils ont pris. Vous êtes très optimiste. Mais il est vrai que certains ordres, en particulier les Pères Blancs, qui n'ont pas été non plus les moins gourmands, avaient du moins le mérite de documenter un petit peu mieux que d'autres ordres leur récolte. On trouve au dos des objets, des étiquettes qui ont un peu vieilli, mais qui ont au moins le mérite de préciser, par exemple, le nom du village. C'est déjà pas mal. C'est déjà ça. Après, l'histoire, c'est qu'il s'agissait, soi-disant, d'éradiquer les superstitions pour mettre à la place d'autres superstitions, c'est-à-dire chrétiennes, mais qui, peut-être intellectuellement, n'étaient pas plus solides. Même sûrement pas. Mais donc, les missionnaires, oui, avec des quantités, là encore, telles que, autant que je sache, y compris dans des pays d'Europe, en Belgique par exemple, certains ordres possèdent encore des espèces de stocks, si vous voulez, considérables, qui demeurent plus ou moins invisibles. On peut imaginer désormais pourquoi on préfère qu'ils restent invisibles. Et puis alors, si ces pillages sont le fruit de la colonisation, Philippe Dagen, les musées des États-Unis, d'Amérique du Nord, sont complètement exempts de cette histoire. Bien sûr, vous savez bien que c'est le contraire. Puisqu'à partir des années 20, un grand marché international de l'art dit primitif s'est créé, que New York a été très rapidement l'un de ses pôles, avec des gens très intéressants et quelquefois assez contestables, c'est le moins que l'on puisse dire, comme Marius Desaias, par exemple, qui à la fois l'un des introducteurs de l'art africain aux États-Unis, un homme auteur de textes d'un abominable racisme, et les musées américains. C'est pour ça que quand on parle aujourd'hui entre nous des musées européens, oui, bien sûr, mais il ne faudrait pas oublier que les collections du Metropolitan à New York ou celles du Brooklyn Museum ont été faites avec des achats auprès de galeries françaises, Paul Guillaume, Charles Ratton, ou de galeries américaines qui étaient elles-mêmes les correspondantes de ces galeries françaises, et que donc l'origine des objets du Metropolitan est exactement la même que celle des objets du British Museum, de Tervuren à Bruxelles, et ainsi de suite. Donc il n'y a aucune raison de laisser les musées nord-américains en dehors de cette histoire, ce qui évidemment les arrange. Une histoire authentiquement mondiale. Le long combat de l'Afrique pour son art. Bénédicte Savoie, c'est le titre de votre ouvrage qui a paru au Seuil. Histoire d'une défaite postcoloniale. C'est passionnant, disons-le. Vous êtes professeur d'histoire de l'art à l'Université technique de Berlin. À partir de quel moment voit-on surgir la question de la restitution? Alors j'imagine de manière extrêmement périphérique, dissimulée même et contestée, mais à quel moment ça apparaît? On la voit apparaître au moment des spoliations elles-mêmes. pour dire vrai. C'est-à-dire que les toutes premières lettres, les toutes premières demandes qu'on trouve dans les archives belges, dans les archives françaises, dans les archives allemandes et britanniques, sont des demandes qui parfois datent de quelques semaines ou quelques mois après le départ d'une pièce importante ou jugée importante par la communauté. Mais ça devient un mouvement, disons, panafricain et médiatique au moment des indépendances au plus tard, avec de grands textes comme celui de Paulin Joachin en 1965 à Dakar, dans la revue Bingo, qui écrit un éditorial extrêmement explicite avec ce titre « Rendez-nous l'art nègre, rendez-nous donc nos productions » et qui explique que les puissances africaines, les pays africains devenus indépendants vont avoir besoin de force pour construire leur avenir. C'est extrêmement intéressant de voir que le sujet de la restitution, les réclamations, les premières réclamations quand elles interviennent, ne sont pas tournées vers le passé, vers une sorte de vengeance ou dans l'idée d'une réparation, mais vraiment tournées vers l'avenir, avec l'idée qu'il faut, pour ces jeunes puissances africaines, se reconnecter avec leur patrimoine immatériel, bien sûr, leur philosophie au pluriel, leur religion au pluriel, leur langue au pluriel, mais aussi avec leur patrimoine matériel, c'est-à-dire avec toutes ces pièces qui ont disparu, et l'extraction massive du patrimoine africain. On peine à la penser comme ça quand on est visiteur de musées européens ou américains, etc. On peine à imaginer que l'extraction du patrimoine culturel, l'extraction culturelle, avait les mêmes proportions et la même énergie et le même caractère systématique que l'extraction des richesses naturelles. Or, les richesses culturelles ne repoussent pas, comme les richesses naturelles, certaines ne repoussent pas non plus. Et cette extraction, vraiment, a été ressentie comme une perte radicale, d'où la demande, dès les années 60, de récupérer au moins une partie. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir aussi combien les intellectuels qui prennent la parole à ce moment-là, les politiques, insistent sur le fait qu'il ne s'agit pas de tout reprendre, il s'agit de reprendre au moins une partie de pièces symboliques qui vont servir à se donner de la force pour construire l'avenir. Nous sommes à Dakar en avril 1966, nous assistons au Festival mondial des arts nègres. Aimé Césaire. L'histoire est toujours dangereuse. Le monde de l'histoire, c'est le monde du risque. Mais c'est à nous qu'il appartient, à chaque moment, d'établir et de réajuster la hiérarchie des périls. Je dis qu'à l'heure actuelle, le péril pour l'Afrique, ce n'est pas le refus du monde extérieur, ce n'est pas le refus d'ouverture, ce n'est pas le chauvinisme, ce n'est pas le racisme noir, ce n'est pas le refus d'ouverture, que c'est bien au contraire l'oubli d'elle-même, c'est l'acculturation et la dépersonnalisation. Si l'on y prend garde, l'Afrique risque de ne plus se voir que par les yeux des autres et de jeter sur elle-même un regard pétrifiant. Ce que dit Aimé Césaire, Philippe Dagen, c'est ça, c'est une construction du regard, c'est le primitivisme, je reprends le titre de vos ouvrages, c'est une lecture de l'ailleurs que l'on impose à ceux qui ont eux-mêmes produit la culture. Totalement. Raison pour laquelle le texte, je ne savais pas là encore que vous feriez passer le texte de Césaire, mais j'allais y venir moi-même, parce que ça fait partie effectivement des jalons de cette pensée, au même titre que Frantz Fanon, ou même dans une certaine mesure, même si je sais bien que tout ce que l'on peut en dire, la construction de l'idée de négritude par Césaire et Senghor dès les années 30 à Paris, sont une manière d'adresser au monde entier une revendication, le droit d'être soi-même et de ne pas être éternellement l'objet du regard. Alors, Césaire dit pétrifiant, c'est même presque un euphémisme, que le monde occidental dans son ensemble a jeté sur ces populations dans lesquelles il les a totalement enfermés. Bénédicte Savoie, bien sûr, écrire l'histoire du combat de l'Afrique pour son art, et là je reprends aussi le titre de votre ouvrage, n'est pas simplement une histoire de l'art, c'est une histoire politique, c'est une histoire à la croisée de tant et tant de champs de la discipline historique et sans doute au-delà. Et c'est en cela que c'est passionnant de lire l'histoire de l'Afrique à travers son art, les œuvres produites et confisquées, pillées. Absolument. Je voulais revenir juste un instant sur le son que vous avez passé, cet extrait du discours d'Aimé Césaire qui est très impressionnant et bravo de l'avoir choisi et qu'on puisse l'entendre et le réentendre quand il parle d'une Afrique qui se voit par les yeux des autres. C'est très lié à la demande, à la réclamation dans les années 60-70 par les pays africains de leur patrimoine culturel, non seulement pour des raisons abstraites, disons, de se donner de la force pour l'avenir, etc., mais aussi pour des raisons concrètes qui sont de se réapproprier scientifiquement leur propre patrimoine. Et on lit des textes très intéressants dans les années 70, notamment au Nigeria, du grand archéologue Ekpo Eyo, qui explique que, par exemple, l'art donc de la ville de Benin City, qui se trouve au Nigeria aujourd'hui encore, cet art n'a été lu et interprété jusqu'à maintenant que par des auteurs occidentaux, n'est traité qu'avec des catégories de lecture d'historiens de l'art occidentaux, et qu'il faut y remettre les ordres de savoir locaux, les ordres de savoir qu'on a sur place avec ces objets. Et il insiste beaucoup sur le fait que la reconquête du patrimoine artistique est aussi une reconquête universitaire et scientifique. Et il le dit très clairement, il faut que des jeunes Africains maintenant puissent travailler sur ces questions. Donc tout ça se passe pas seulement au niveau symbolique, ça se passe au niveau bien réel. Et c'est, pour moi, ça a été fascinant de découvrir que tout le débat sur les restitutions que nous menons aujourd'hui, dont nous avons pu croire après 2017, après le discours que vous avez passé d'Emmanuel Macron tout à l'heure, dont nous avons pu croire que nous étions la première génération, après les indépendances, post-indépendances, à prendre à bras le corps cette question. En réalité, elle a été posée avec beaucoup d'acuité, beaucoup d'intelligence, beaucoup de power, de force, par les intellectuels africains, non seulement donc ceux qu'on a cités, mais aussi des jeunes cinéastes. Je pense au Ghanéen Nii Kouate Owu, qui a tourné un film qui s'appelle Vous me cachez, You hide me, dans les caves du British Museum en 70, qui est sans doute l'un des plus grands films sur la question et des plus précoces, ou encore le prix Nobel de littérature Wole Soyinka, qui dès les années 77, au moment des grands festivals qui suivent ceux que vous avez cités à Dakar, donc le grand après, celui de 77 à Lagos au Nigeria, qui s'implique beaucoup, Wole Soyinka, pour le retour de certaines pièces d'Angleterre au Nigeria, et qui dit, bon, si on n'y arrive pas, il va falloir envoyer des hommes armés, un commando armé, dit-il, pour les récupérer. Il suggère cela à son gouvernement. Donc tout ce discours qu'on a aujourd'hui, et même l'imaginaire dans certains films récents, où on voit un jeune africain des diasporas américaines ou européennes aller voler des œuvres pour les rendre à son pays, comme dans Black Panther ou dans Invasion 1897 ou d'autres films de ce genre-là, tout ça, ça a été déjà imaginé, pensé par les hommes, plutôt des hommes des années 70. Et maintenant, beaucoup de femmes sont aussi dans ce débat. Et parmi tous les grands noms que vous avez cités, il y en a un plus étonnant, c'est Roger Giquel. Le commerçant en faux tableau de maître, le célèbre Fernand Legros, a été condamné aujourd'hui à 18 mois de prison, dont 15 avec sursis et à 10 000 francs d'amende. On estime qu'il a été, Fernand Legros, pour le moins complaisant avec les faussaires. Les juges ont dit qu'il fallait assainir et protéger le marché de l'art. Mais quelle distance, quel fossé entre cette information que je viens de vous donner et l'appel du directeur général de l'UNESCO, M. Mbo, pour que reviennent dans leur pays d'origine les œuvres d'art qu'ils ont perdues dans des circonstances de l'histoire qu'il vaut mieux ne pas trop décrire. Dans l'esprit de l'UNESCO, cela s'inscrit dans une politique d'ensemble qui ne concerne que certains cas, tant en Afrique qu'en Amérique et en Asie et même en Europe. Mais d'une manière générale, les commentateurs de presse se sont montrés surpris, et certains ont même ironisé à ce propos. L'un d'eux, célèbre, a même suggéré si on doit rendre l'obélisque de la place de la Concorde, il faudra qu'on nous restitue aussi le canal de Suez. Vous voyez jusqu'où ça va. En tout cas, si on veut préserver les identités culturelles, eh bien, il faut préserver ce patrimoine artistique et donc, quelquefois, le restituer. Il faut bien se plier à ça. Bonne soirée à tous, au nom de toute l'équipe du TF1. Roger Giquel, un journaliste que les mondes de 20 ans ne peuvent pas connaître. Nous étions en 19 juin 1978. Bah oui, c'était des grands journaux qui traitaient de sujets. Vous avez choisi, Bénédicte Savoy, d'évoquer ce journal télévisé. C'était sur TF1, le 20h, dans votre ouvrage Le long débat de l'Afrique pour son histoire. Que se passe-t-il ? Nous sommes en 1978. D'abord, je pense qu'il faut rendre un très grand hommage à l'Institut national de l'audiovisuel de mettre de telles archives en ligne et que les historiennes et les historiens du monde entier puissent les utiliser, parce que quand on travaille sur les années 70, évidemment, et qu'on essaie de reconstituer l'intensité d'un débat, la télé, c'est très très important. Donc on imagine, on est à 20h, il y a deux chaînes de télé à l'époque, Antenne 2 et TF1, tout le monde regarde ça, et vous avez Roger Gicquel qui est considéré comme la voix de la France, souvenez-vous, qui, à 20h, prend la parole pour, en fait, appuyer les efforts du directeur général de l'UNESCO, Amadou Maktarmbo, qui, pour la première fois, au nom de l'UNESCO, vient de faire un discours extrêmement saisissant, bouleversant, sur la nécessité de rendre une partie du patrimoine. Et ce qui me fascine dans cet extrait, c'est d'abord le fait d'imaginer que des millions de téléspectatrices et de téléspectateurs dans les années 70 ont vu et entendu parler de ça. C'était pas la seule fois où Roger Gicquel s'est engagé sur ce sujet. Il a fait d'autres interventions dans les mois qui ont suivi. Et ce qui me paraît extraordinaire, c'est que c'est pas seulement en France le cas. Vous le trouvez sur la BBC au même moment, sur la télé allemande ZDF, des grands reportages sur cette question à des heures de grand public. Et ce que je trouve fascinant, vous l'aviez ici au début de l'extrait, c'est ce moment où il dit on va parler d'œuvres qui sont arrivées dans des conditions historiques sur les qu'il vaut mieux ne pas trop décrire. Et ça, évidemment, quand vous avez 5 ou 6 ans, que vous êtes un enfant comme moi et que vous regardez sans le comprendre, sans l'entendre vraiment, une émission de ce genre, vous l'enregistrez comme « Ah, il y a un secret là, il y a quelque chose qu'il ne vaut mieux pas trop décrire, mes parents sûrement comprennent, mes grands-parents comprennent, les profs à l'école, la voisine, tout le monde comprend. Nous, mon frère et moi qui avons 6 ans, on comprend pas. » Et les 5-6 ans de l'époque, d'une certaine manière, ce sont les adultes d'aujourd'hui qui ont repris ce débat sans se rendre compte qu'il avait déjà eu lieu, et le débat revient comme un boomerang, alors comme tous les boomerangs, avec une force décuplée, et il est venu heurter de manière puissante les sociétés européennes. Et d'ailleurs les États-Unis qu'on évoquait tout à l'heure ne s'excluent pas de ce débat, me semble-t-il. En tout cas le grand musée de Washington, l'institution Smithsonian, a restitué ou a annoncé la restitution d'un nombre important de bronzes du Bénin au Nigeria il y a quelques mois seulement. Dans ce débat, il y a des récurrences. Philippe Dagen, parmi les choses qu'on entend systématiquement, c'est « Oui, mais en Afrique, dans les villes qui vont accueillir ces œuvres-là, il n'y a pas les infrastructures nécessaires pour bien les préserver. Elles sont mieux chez nous. » Oui, oui, bien sûr. On sait très bien que c'est rien n'est plus tentant que de faire le bonheur des autres malgré eux. D'abord, c'est pas vrai. Quiconque est allé à Dakar sait que c'est faux. On sait, alors certes, c'est un petit peu compliqué aujourd'hui à cause d'accusations qui ont été portées contre l'architecte que le Nigeria s'est engagé dans la construction d'un musée pour accueillir les bronzes de Benin City quand ils reviendront. Dans certains cas, il y a des structures peut-être plus modestes, mais qui n'en conserve pas moins les objets. Enfin, on a vu au Quai Branly, on peut dire pour une fois quelque chose d'un peu plus encourageant, une exposition qui avait été consacrée au Cameroun, et la plupart des œuvres qui la constituaient venaient des collections des chefferies camerounaises actuelles, et je n'ai pas constaté que les objets aient particulièrement souffert des conditions de conservation. Au Bénin, en Côte d'Ivoire, il y a des projets qui sont engagés. Au Cameroun, on en a déjà parlé. Donc l'objection selon laquelle nous savons beaucoup mieux faire, je pense que c'est vraiment la dernière, si vous voulez, c'est la dernière ligne de défense. Enfin, derrière, il n'y a plus rien. Oui, c'est vraiment ça, c'est l'argument ultime, mais qui ne tient pas tout seul. Bénédicte Savoie, quand il y a restitution d'œuvres, et on l'a vu récemment avec des œuvres majeures vers le Bénin, enfin, on pourrait en citer plusieurs, mais quelle est l'émotion au moment de la réception en Afrique? Elle est intense, et je pense que c'était quelque chose qui n'était jamais pris en compte, et on l'entend dans un discours politique, l'importance symbolique du retour de ces œuvres. Oui, en effet, on a l'argument selon lequel, ou la présomption d'incapacité qu'on vient d'évoquer était un des arguments qui permettait d'éviter la discussion pendant très longtemps. Mais un autre argument était vraiment celui de, alors je le dis avec beaucoup de guillemets qu'on n'entend pas à la radio, mais les Africains ne s'intéressent pas au patrimoine, les Africains ne s'intéressent pas à l'art, c'est nous qui leur avons expliqué que c'était, etc. Bon. Et ça non plus, ça ne tient pas, ou ça aussi c'est quelque chose qui est fait pour empêcher la discussion sur les restitutions, puisque les restitutions réelles qui ont eu lieu, donc je les évoquais tout à l'heure, les 26 trésors royaux d'Abomey, c'est comme ça que les appellent les Béninois officiellement actuellement, qui représentent 2,5 tonnes de matériel historique, quand ils sont revenus, ils ont suscité non seulement une émotion populaire, une ferveur populaire pratiquement au moment de leur retour, mais aussi tout un travail d'éducation, de législation, puisque désormais ils sont eux aussi inaliénable. Le Bénin s'est doté d'une loi d'inaliénabilité. Les enfants des écoles les connaissent, les comprennent mieux. Donc c'est pas seulement l'émotion, parce que l'émotion parfois, si on avance cet argument, on peut dire, nous aussi on a de l'émotion, etc. Oui, bien sûr, mais c'est pas seulement l'émotion, c'est aussi des pratiques de réappropriation multiples. Réappropriation, voilà, juridique, économique aussi, pédagogique, qui sont extrêmement importantes. Et la plus importante d'entre elles, pour nous observateurs de ces restitutions réelles, ou en tout cas pour moi, c'est certainement celle qui relève de l'ordre des savoirs. C'est-à-dire que ce qui, pour nous, dans nos musées, était classé souvent par ordre de, par catégorie, par typologie d'objet, par sa taille, son poids, son matériel. Quand ça revient, ça redevient autre chose, ou en tout cas, ça peut le redevenir et s'ouvre des possibilités de reconnexion très différentes. Seul exemple, les tambours du Cameroun, qui sont classés, ou les tambours en général, qui sont classés chez nous souvent dans la catégorie des instruments de musique et décrits soigneusement selon les losanges, les carrés et les animaux qui sont sculptés dessus, sont souvent dans leur contexte d'origine plutôt des instruments de télécommunication, un moyen précoce de s'envoyer des messages rapides, short messages à longue distance, et qui encapsulent, si on peut dire, des savoirs qui sont peut-être des savoirs musicaux, mais surtout des savoirs langagiers, de langage comme des sortes de morse ou des choses comme ça, qui peuvent être réétudiés, redécouverts, réintroduits dans l'esprit collectif et dans la conscience collective, dans les endroits où ils sont perdus. Et dans beaucoup d'endroits, les choses ne se sont pas perdues. C'est pourquoi le musée, en fait, l'institution musée est une possibilité, un lieu possible de retour. Mais la grande discussion, me semble-t-il, qui est menée actuellement par nos collègues sur le continent africain, c'est celle des autres possibilités de reconnexion, des autres endroits, des autres types de manières de montrer les pièces qui pourraient arriver maintenant. Et c'est ça qui est beau dans la restitution, c'est qu'on ne sait pas ce qui va advenir et que ça peut être beau. Oui, parce que dans notre patrimoine européen, toutes les pièces ne sont pas dans les musées, les églises, partout où il y a du patrimoine. Donc en Afrique, le patrimoine ne doit pas être que dans des musées. Oui, je voulais ajouter à ce propos que Bénédicte Savoy a cité les intellectuels, les gens de musées, etc. Il y a, me semble-t-il, des actrices et des acteurs aussi importants de cette réappropriation qui sont les artistes. Démontrent par leur création même leur capacité à réassimiler, transformer, détourner, retourner quelquefois des formes de l'art africain ancien et leur injecter des significations pour aujourd'hui, une sorte de magnétisme retrouvé. Je pense à Myriam Mindou, Romuald Azoumé, Steve Bandoma. Enfin bon, on va pas se livrer à un concours de noms. Et je pense que ce sont des protagonistes extrêmement importants et, j'allais dire aussi, extrêmement efficace de ce processus, d'une part parce qu'ils l'accomplissent, d'autre part parce que pour les étudiantes et les étudiants des écoles d'art, soit en Afrique, soit venus étudier en Europe, que ces artistes aient pu accomplir ce qu'ils ont accompli, qu'ils soient désormais connus, reconnus, exposés, est aussi un encouragement formidable pour faire en sorte que l'Afrique ne soit pas simplement le continent d'un art ancien, perdu et retrouvé, mais soit aussi le continent d'un art vivant. Eh oui, l'art du moment. Qui l'art d'aujourd'hui avec l'art d'autrefois. Et juste en quelques mots, Philippe Dagen, souligner la vivacité de la recherche pour cet art dit ancien et lui retrouver des origines avec parfois des noms d'artistes. Et c'est une vraie étude qui donne du sens. Oui, mais j'aimerais qu'elle soit beaucoup plus développée et que par exemple l'université française juge enfin nécessaire de créer des charges d'enseignement beaucoup plus nombreuses pour enseigner, alors pour le coup, l'histoire des arts d'Afrique ou aussi bien d'Océanie, car on est aujourd'hui quand même confronté à un déficit assez accablant d'enseignantes et d'enseignants dans ces domaines. Qu'on vous entende, Philippe Dagen. Je l'espère. Merci vivement à tous les deux. Bénédicte Savoie, je rappelle, Le long combat de l'Afrique pour son art, histoire d'une défaite postcoloniale. C'est publié au Seuil. Et vous, Philippe Dagen, c'est deux volumes. Primitivisme, c'est publié chez Gallimard. Merci vraiment à tous les deux. Et il est temps de poursuivre notre chemin avec Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Comment nommait-on les personnes adoptées à l'époque romaine ? Toutes les études portant sur l'identité des personnes ont montré l'enjeu essentiel que représentait la manière de les désigner. L'historien Claude Nicolet a souligné qu'à Rome, le système onomastique était un véritable code des rapports sociaux, en rappelant que les règles en étaient fixées par la cité, en particulier dans le cadre de la procédure du recensement. Ce que l'on appelle la nomenclature d'un individu, c'est-à-dire la totalité des noms et des indications qui faisaient officiellement partie de son état civil, a été l'objet d'une codification progressive au point de former un système pratique et impersonnel. Cette nomenclature comprenait alors le prénom, le nom, éventuellement un ou plusieurs surnoms, mais aussi la filiation et la tribu. Sans entrer ici dans l'analyse de la multitude et de la complexité des cas d'adoption à l'époque romaine, je me contenterai aujourd'hui de rappeler que cette nomenclature était appliquée aussi aux individus ayant été adoptés. Mais s'y ajoutaient des éléments servant à enregistrer leur origine, notamment leur ascendance maternelle et leur origine géographique. Ces éléments, qui rappelaient leur double filiation biologique et adoptive, était sans doute aussi un moyen d'assurer le contrôle social des adoptés. Leur nomenclature reflétait en effet leur changement de statut au regard du droit civil et du droit public. Cicéron évoque le cas fréquent des adoptions qui ont entraîné le droit de succéder au nom, à la fortune et au culte. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, quand le régime impérial a remplacé la République, il semble que les formes anciennes d'identification des individus adoptés aient évolué. Les spécialistes de cette question restent néanmoins prudents, car les sources nous renseignent moins sur la nomenclature des personnes que sur leur dénomination, c'est-à-dire l'usage effectif et quotidien que les Romains faisaient des noms. Le risque est donc de prendre la diversité des formes de dénomination pour la diversité des formes de nomenclature. Des recherches centrées sur l'aristocratie romaine ont émis néanmoins l'hypothèse qu'une nouvelle nomenclature était apparue à cette époque. L'un des principaux changements, par rapport aux formes antérieures d'identification des personnes adoptées, concerne l'importance croissante prise par les surnoms, au détriment du gentilis, terme qui désignait le nom du groupe de famille auquel appartenait l'individu. Au-delà du cas des adoptés, le rôle de plus en plus important joué par le surnom peut être vu comme un indice du processus d'émancipation des individus par rapport à leur clan familial. Cet indice est confirmé par la liberté de plus en plus grande que les aristocrates romains s'accordèrent dans les usages de la dénomination en s'affranchissant des règles rigides de la nomenclature. L'insistance sur le rôle du surnom comme marqueur identitaire des individus adoptés et l'écart croissant entre les usages et les règles eurent aussi des effets réels sur l'identité des personnes adoptées, car lorsque le nom échoue à dire le statut, le système onomastique ne fonctionne plus vraiment comme un code des rapports sociaux. Merci beaucoup Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau. Aujourd'hui à la technique, Marie-Claire Oumabadi et Flavien Andrisiak. Et merci vivement à Sébastien Baer, le correspondant de Radio France à Berlin. Le cours de l'histoire préparé par Raphaël Laloum, Jeanne Delecroix, Anne Toscan-Diudès, Jeanne Copet et Maïwenn Guizhou. Émission à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Hey, vous. Oui, vous. Savez-vous que vous pouvez écouter 230 radios, 700 web radios et plus de 200 000 podcasts sur une seule application gratuite ? Avec Radio Player France sur smartphone, enceinte ou en voiture, vos radios sont toujours avec vous. Radio Player France, l'appli de toutes les radios.